Louis Dupire, conte de Noël. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. En ce temps-là, la colonie était pauvre et les artisans manquaient. Marie, la fille du sonneur, pieuse enfant, ornait l'autel de ses mains potelées. En mai, elle disposait les collerettes blanches des marguerites centrées d'or autour de la statue de la Vierge. En décembre, elle arrangeait, avec amour, les sombres aiguilles des épinettes pour que Jésus ait moins froid dans sa crèche, car l'église n'avait pas de feu. Or, à force de bien écouter les homélies de monsieur le curé, de s'emplir longuement les yeux des images du missel, elle sut bientôt son catéchisme autant que le tabellion, et elle eut un grand désir de communier. Elle le dit à monsieur le curé, et celui-ci, l'ayant surprise dans une longue oraison devant l'endroit où Jésus devait descendre la nuit de Noël, lui confia. « Marie, tu es bonne et savante en catéchisme. Tu communieras à la messe de minuit. Ce sera une belle fête pour la paroisse. » La petite Marie fut d'abord très contente, mais monsieur le curé et son père et sa mère lui avaient raconté que, tout là-bas, dans cette France bénie dont le souvenir les faisait souvent pleurer, les fillettes de son âge, pour honorer notre Seigneur, se vêtaient de blanc à sa première visite. Marie éprouva beaucoup de peine, car elle n'avait qu'une mante bleue, et sa mère, ni personne au village, ne savait filer le lin pour lui faire une robe blanche. Elle avait peur de déplaire à son hôte divin. Or, la veille de Noël, comme elle plaçait dans la crèche la statue de la Vierge, il lui sembla que la grossière figure de bois peint lui souriait. « Sainte Marie, dit-elle, heureuse, donnez-moi, pour recevoir votre fils, un voile pur comme ils en ont en France. Voyez, ma sainte patronne, la terre elle-même devient immaculée pour recevoir votre fils. Donnez-moi une robe blanche comme la neige. » Mais la clochette de la tour de chaume agitait son faible battant pour la messe de minuit, que Marie, qui cheminait à côté de sa mère, n'avait pas sa robe. Elle oubliait même sa peine tant elle priait avec ferveur, subissant, insensible, la caresse des flocons de neige qui la couvraient, petit à petit, d'une hermine éclatante étoilée de diamants. Elle s'approcha de la table divine, les yeux clos, et reçut Jésus dans son cœur. Et il s'y complut comme en un ciboire d'or. Cependant, comme elle regagnait sa place, des murmures troublèrent son extase. « Miracle, disait-on, miracle !» Et elle vit, émerveillée, qu'elle était vêtue d'une robe étincelante des célestes joyaux, et que sa sainte patronne lui avait donné sa robe blanche.